الحسن فاض على غصون الباني والكون عطربة. C'est dans une coupe arabe, dans un pays arabe, écoute-moi bien. Une coupe arabe peut vivre. Mais souvent, souvent des fois, monsieur, madame, il y a la guerre. Ré-séparer, réconcilier, ré-séparer, réconcilier, rejoindre ensemble. Regarde la guerre. Madame là, il excité beaucoup. Il fait colère beaucoup. Il jouait. L'histoire vraie, il est arrivé dans le pays arabe. Écoute-moi bien. Il jouait beaucoup. Il met de l'eau dans son monsieur. Il contrôle son monsieur. C'est d'accord de ça qu'il souvent, des fois, il sépare avec son monsieur. Quand on sépare complètement, écoute-moi bien. Quand monsieur et madame, ils séparent complètement, écoute, pardon. Je quitte un garçon qui appelle Safouane. Attends-moi bien là. Il quitte un garçon qui appelle Safouane. Safouane vient petit. Monsieur et madame, ils séparent, écoute-moi bien. Monsieur reste à un côté sur la case pour lui. Madame reste bien, bien loin sur la case pour lui. Dans la semaine, Safouane reste contre son maman. Dans le week-end de samedi, dimanche, Safouane reste contre son papa. Écoute-moi bien. M'aurait dire, quand il y a talak, quand monsieur et madame séparés, quand maman et papa séparés, les enfants qui ont fait mal, les enfants qui ont souffert. Gagnez pitié pour les enfants. Les enfants traumatisés. Alors, Safouane n'y reste. D'après ça, ça va me raconter l'histoire vraie, il n'a rien de pays arabe. Sa femme de la semaine, il reste contre ça. Ce maman, bien beau. Week-end, samedi, dimanche, contre ce papa. Seulement quand il vient contre ce papa, connais bien, écoute-moi bien. Il n'a même pas gagné. Parfois, maman n'y pas envoyé les enfants contre papa. Pas sur l'arrogance. Les parents envoient les enfants contre papa, Allah s'y tend en colère avec ça, les grâces enfants avec maman et papa là. Allah crée situation. Et surtout quand les enfants n'y patrouillent son papa, ou bien n'y patrouillent son maman trop beaucoup, les piètent assez avec maman là. Mais quand ils patrouillent son papa, les piètent assez avec son papa. Quand parce que sa voile, il reste contre son papa dans le samedi dimanche, il dormit contre son papa, il dit enfants, les rentrent avec son papa, il dormit. Tous les jours, pas long, tous les samedis dimanches. Quand sa femme commence à grandir, papa là, il met un autre lit pour lui. Mais sa femme devait grandir maintenant, elle reste dans le domaine de l'autre place. Mais ta sa femme plairait par les papas, vous le mettez tout de même. Vous m'aidez à vous de deux. Écoute-moi bien, hein. Touchons à l'histoire là. Chagrinant. Papa, vous dormez tout de même, vous m'aidez à vous de deux. Vous ne pouvez pas le dormir séparé avec toi. Papa là, il y a pitié pour son bêta. Il est capable, il manque l'affection, il manque tendresse, il manque l'amour, allez le laisser dormir. Mais sa femme est grandie. Quand il commence à gagner là, écoute-moi bien. Quand il commence à gagner là, papa là, il dit bêta sa femme, tu as besoin de dormir de ta place dans le lit. Il parlait aller, il plairait, papa là, il prend le bêta sur le lit. Il y a 6 heures d'heure de la nuit. Là, il n'y a pas pleuré, il est dormi que son papa. Plus je ne vais pas te dire, sa femme dormit dans le lit de ta place. Mais ta sa femme, papa, il comprend. Il dit, papa, va vous dormir côté de ton lit. Et il a bien grand. Papa, là, demande, mais ta sa femme, qui vient de pas dormir là-bas? Il plairait. Écoute-moi bien là. Mais ta sa femme, qui vient de pas dormir là-bas? Il plairait. Il dit, papa, toi, tu vas dormir côté avec maman. T'as une parole là bien là? Les gars font mal nous comme ça. Papa, toi tu peux dormir, coster ensemble avec maman. Quand je ne sais pas, Lily. Maman ne peut pas dire, toi ne peux pas dire, maman. Mon père est en chômage, dormi séparé avec toi, mon père dit, toi. Les enfants souffrent. Les enfants ont l'amour, ont tendresse, l'affection, maman, papa. Quand maman, papa séparés, nous poignons nos enfants. تسعاني نكتب قصة الإيمان.